était au temps lointain de l'enfance. On croyait encore à la providence. À Noël, sous le sapin, il y avait des oranges, des morceaux de pain. Ma mère faisait cuire du lapin et nourrissait le plus jeune au sein. Chez nous, le pouvoir était entre les mains des curés. Et en Europe, il y avait la guerre dans les tranchées. On n'avait pas de poils sous les aisselles quand la grosse Renault chantait Noël. Il n'y avait pas d'électricité ni d'eau chaude pour se laver. Il fallait faire du feu pour se réchauffer, aller chercher de l'eau puis pour se désaltérer. Il n'y avait pas de réfrigérateur, on lavait son linge dans la sueur. Si de l'âge des cavernes on était loin, il fallait quand même cuire son pain. On s'éclairait à la chandelle quand la grosse Renault chantait Noël. C'était avant les autos, les trains et les avions transcontinentaux. On marchait souvent nu-pieds, pour 10 enfants, une seule paire de souliers. Une fois là, on allait au village, c'était là notre grand voyage. Les papas travaillaient 80 heures par semaine. Les grands-parents avaient toujours mauvaise haleine. Pour voyager, il fallait se mettre en selle quand la grosse Renault chantait Noël. On n'avait que les journaux pour les nouvelles.